Bienvenue en 2030 glorieuse. Bon voyage. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous fais ce message pour vous donner des nouvelles de notre campagne Ulule. Vous savez, avec Quentin et Lauriane, on est en train de financer le deuxième tome de notre collection de livres jeunesse. Quand je serai grand, quand je serai grande, je serai. Et on entre dans la dernière ligne droite, puisque c'est le dernier jour de notre campagne Ulule en ligne. Tout se termine ce soir, donc c'est un peu maintenant ou jamais pour participer. Ça a été un mois intense de communication, toujours les campagnes de crowdfunding. C'est un petit sprint et à la fois ça nous a permis de vivre plein de bons moments et d'avoir des bonnes nouvelles que je vous partage. La première, c'est que le livre, il va bel et bien être imprimé parce que nous avons réussi à franchir le premier palier et donc les rotatives sont lancées dans le sud de la France chez notre imprimeur engagé. Et puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il arrivera largement à temps sous le pied du sapin. C'est désormais à vous de nous dire si le projet est viable en nous aidant à franchir ce deuxième palier qui nous permettrait donc à Quentin, Lauriane et moi de nous payer, tout simplement. On y croit, on espère atteindre les 300 exemplaires d'ici la fin de journée. On compte sur vous. Merci de soutenir, merci de partager, de relayer, de commenter nos posts aussi. On a les algorithmes qui sont vraiment contre nous en ce moment, c'est une catastrophe. Merci vraiment pour cette journée de folie là qu'on va vivre grâce à vous, parce que la dernière journée d'une campagne de financement participatif, c'est toujours un peu la folie. Je compte sur vous, vous qui parfois écoutez le podcast de Mi 30 Glorieuse depuis plusieurs années. Et puis je vous dis bien sûr à très vite pour un nouvel épisode. Salut! Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà. Surtout, les 2030 Glorieuse, c'est un atelier d'intelligence collective qui permet de reprendre le pouvoir des imaginaires. Cet atelier peut se réaliser partout en France, voire même en Europe, ou en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez devenir guide de voyage en 2030 glorieuse pour rejoindre la communauté des centaines d'utopistes qui sont déjà tout autour de vous sans le savoir. Alors je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt dans la communauté utopiste 2030 glorieuse.